On fait du chiffre donc on prend du poids. Tes sentiments et tes faiblesses tu ferais mieux de les laisser là. Les sommes augmentent, nos péchés font de même. Et même mes démons me laissent seul. N'aie confiance quand t'es allé ton gun, méfie-toi du faible qui a peur. Cargaison de dos, peu qu'on m'apporte, je recule pour me défoncer ta porte. Il me reste de la substance sur mon tablier. Devant les ports on fait que nier. Qualité quand il t'est réuni. Non c'est pas contre toi ma beauté. Hey. J'suis dans cette merde depuis le début. Hey. J'suis pas des torses, j'en ai rien à foutre. Hey. Je fais du recul quand j'ai vu que tes formes suffisaient pas. Je me suis noyé dans mon gobelet un peu comme papa. Hey. J'suis fond des sources, j'oublie tout. Hey. Il me règle comme ça tout, j'prends son bif partout. Hey. J'suis dans cette merde depuis le début. La rue me ressemble plus. Le soir en face de moi, je vois que la lune. La nuit, j'ai mon voyage sur Neptune. J'suis dans cette merde depuis le début. J'm'en vais avec toi vers de la dune. J'suis pour des soirs de j'oublie tout. Tout a changé, c'est plus la même entre nous. Arrêtez en bas des bâtiments, du respect on manque à nos parents. Tu vends quoi à toi, je suis dans le bain, tu peux pas me voir. La nuit le soir, je suis dans les vrais squats avec Cité Timan. Prisonnier de la haine, la rue veut tout ce que ken. Accident de route, sous état d'ivresse. Jamais je freine, jamais je m'arrête. Béga nerveuse, fais belle et copaine. Passe à première, passe à deuxième. Et je bombarde en troisième. Tout ça va mal se finir. Dans le bando avec Maudier. Bientôt je vais me faire ça, je me tire des scènes. Sur la légitime, d'habitude je vais un pécho du bon chéri. Yeah. J'suis dans cette merde depuis le début. La rue me ressemble plus. Ce soir en face de moi, je vois que la lune. Je pose des soirs, j'oublie tout. Tout a changé, c'est plus la même entre nous.